On passe le week-end ensemble sur Énergie, moi c'est Lionel. Oh, les Energy Music Awards 2013. On passe le week-end ensemble dans toute la France. Il y a vous qui êtes à Cannes sur le yacht Energy, le Abyss Yachting. Et puis vous dans toute la France, parce qu'il y a du monde effectivement sur les différents réseaux sociaux. Le Twitter, hashtag EnergyHitMusicOnly. La page Facebook d'Energy. Ma page Facebook, c'est Lionel Energy. Toutes les vidéos, toutes les photos, tout ce que vous voyez pas à Cannes, tout ce qui se passe dans les coulisses, les répétitions, il y a déjà des vidéos qui tournent sur le net. Donc allez cliquer, allez voir les photos, les vidéos, energy.fr. Je vais aussi balancer 2-3 messages que j'ai reçus. Juliette qui nous écoute à Agde. Voilà, je vous écoute au taf. Est-ce que Lionel, tu peux dire à mon chéri que je l'aime fort? On mate les Energy Awards ensemble ce soir. Le message est passé, Juliette à Agde. Dominique de Villefranche-sur-Saône, bravo pour l'émission, un bonjour à tous les routiers, on est là derrière la radio, salut Dominique. Allez-y, hein, poursuivez vos messages, ma page Facebook Lionel Energy. Si vous étiez pas là ce matin avec Manu dans le 6-9, il y a Shaim qui a dit que ce soir elle porterait une robe blanche. Alors, parce que c'est vrai que l'année dernière elle avait une robe de ouf, hein, Shaim, tout le monde avait halluciné, elle était à moitié à poil sur les marches. Donc, non mais c'est vrai, bah, tous les mecs étaient là, c'est chaud. Donc ce soir elle a dit que ce sera encore plus chaud, c'est une robe surprise, une robe blanche, et elle a dit à Manu du 6-9 que si elle gagnait un award, écoute bien Shaim, elle sauterait tout habillée dans la piscine de l'hôtel avec une robe blanche. Les mecs, vous voyez déjà le délire. Donc il y aura sûrement un photographe énergie, quelque chose pour voilà, pour prendre en photo le résultat. Dans un instant, restez avec nous sur le yacht énergie. Alicia Keys, Amel Bent, Youssoupha, Section d'Assaut, on va les écouter, Section d'Assaut. Et puis Rihanna aussi qui arrive sur énergie. Bon week-end.